tu es dans le love, tu es ton frérot, tu le frère. Bla bla bla, fais pas le mec de la tête, je fais le son.